Audiomatique. Dreams dropping off the heart like leaves. Pour lancer cette transmission 2-2-3 d'Audiomatique, les sonoristes vous présentaient la musique du groupe britannique Laika, soit la chanson Breather, extraite de leur deuxième album Sounds of the Satellites, lancé en 1997. À Audiomatique, les sons remplissent l'espace-temps. Même si la voix est un son, laissons tout de même la place aux sons amalgamés en composition musicale. Thank you. venons d'entendre le projet Italtech et sa pièce Venta, tirée de son plus récent album Bodied, paru à l'automne 2018. Avant Italtech, nous écoutions une pièce du duo Legiac, le projet des frères Don et Roel Funken, de leur deuxième album The Facts as Decimated, paru en 2015. C'était la pièce Sprain Detax que les sonoristes vous présentaient ici. La suite d'Audiomatique s'incarnera à l'instant à travers la musique du défunt groupe anglais Catherine Wheel. Thank you. Le groupe canadien Jenica terminait cette séquence musicale à Audiomatique avec la chanson Quiet Alone, qui a été ici remixée par Corby Fieldwalker. On retrouve cette version sur le seul album de Jenica intitulé The Purity et paru en 2006. Tout juste avant Jenica, les sonoristes ont intégré à ce bloc la musique du trompettiste de jazz français d'origine suisse, Éric Truffaz, qui était accompagné par le guitariste Emmanuel Coggia, le contrebassiste Michel Benita et le percussionniste Philippe Garcia. Ensemble, ils nous offraient leur composition « Saisir » de leur album « Mantis ». Et pour débuter, nous entendions le groupe britannique Catherine Wheel et la chanson « Bill and Ben » tirée de leur premier album « Ferment » lancé en 1992. Le groupe a fait paraître 5 albums au cours de sa carrière et s'est séparé en 2000. Vous êtes toujours à Audiomatique en compagnie des sonoristes. La prochaine séquence musicale s'amorce sur la musique du groupe Sylvania. canterò, canterò me cantererías. Canterò, canterò me cantererías, que si no me canteriaras no te canteruriaría. Que si no me canteriaras no te canteruriaría. Cantero, cantera me canterería. La formation Gotham Project nous offrait son métissage de musique électronique, jazzy et tango avec la pièce La del Russo, qui se trouve sur son premier album intitulé La Revancha del Tango, sorti en 2001. Auparavant, nous entendions la pièce Cante Turias de la chanteuse péruvienne Cecilia Barraza, qui s'inspire ici davantage de rythmes afro-péruviens. La pièce présentée à Audiomatique est en fait une réinterprétation de la composition originalement composée par Chabuca Granda, une figure marquante de la musique folklorique péruvienne. La version interprétée par Cecilia Barraza est notamment apparue sur la compilation El Alma del Perú Negro, qui regroupe quelques pièces du répertoire musical afro-péruvien. Et en amorce de séquence, nous étions toujours du côté du Pérou, cette fois avec dans la mouvance shoegaze avec la formation Sylvania et sa pièce Ovale, tirée de son premier album En Cielo de Océano, paru en 1993. Il faut savoir que la musique de Sylvania a par la suite évolué dans une perspective uniquement électronique. Puisque nous devons conclure cette transmission 2-2-3 d'Audiomatique, nous atteindrons la fin, dis-je, en écoutant la musique du groupe New Order et leur composition Avalanche, qui clôt leur album Republic, paru en 1993. La tournée qui a suivi la sortie de l'album a mené à la première séparation du groupe, qui est revenu ensemble 5 ans plus tard, soit en 1998. La transmission 2-2-3, qui tire à sa fin, n'est que le prélude à la transmission 2-2-4, qui se matérialisera en direct mercredi prochain dès 17h sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Sachez que toutes les transmissions précédentes sont dématérialisées mais accessibles dans les univers numériques à travers nos profils mixcloud.com/audiomatique et facebook.com/audiomatique-cfou. Voici donc New Order et la pièce Avalanche. C'était Audiomatique avec les sonoristes.